m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. De professeur, il n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est le cadre qui règle les spoliations ou les translocations d'œuvres d'art autour de 1800, s'interroge Bénédicte Savoie. Quel est le regard du droit sur la question de la reprise ou de la restitution des objets d'art ? L'historienne analyse aujourd'hui les débats entre morale et droit qui se sont exprimés en 1815, au moment du grand démembrement du Louvre après la défaite de Waterloo. Bénédicte Savoie, titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe 18e-20e siècle au Collège de France, et professeure à la Technische Universität de Berlin, nous entraîne dans une grande enquête autour du moment 1815, quand le musée Napoléon, futur musée du Louvre, a dû restituer les chefs-d'œuvre qu'il avait conquis. L'historienne s'attache aux discours, aux textes, aux pétitions, tout ce qui exprime les polyphonies européennes sur la question des prises, des translocations et du retour des objets d'art, dans sa série intitulée 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Bénédicte Savoie, qui a fait sa thèse sur les spoliations des biens culturels par la France en Allemagne autour de 1800, a été nommée experte culturelle pour la restitution du patrimoine africain le 5 mars 2018 par le président de la République aux côtés de l'écrivain et universitaire sénégalais Felwine Sarr. Leur rapport a été rendu en novembre 2018. Au journal La Croix, qui lui a consacré un beau portrait en janvier 2019, Bénédicte Savoie explique qu'elle a retrouvé dans les archives une autre expertise officielle réalisée au début des années 1980. Il y a 40 ans, ce précédent rapport arrivait aux mêmes conclusions que les nôtres. Malheureusement, cette expertise est restée lettre morte. L'historienne reste néanmoins confiante sur la portée du rapport de 2018 sur la restitution du patrimoine africain. Les lignes ont considérablement bougé depuis les années 1980, se réjouit-elle. La question des restitutions est un enjeu européen. La société civile se l'est appropriée à travers des films, des pièces de théâtre, des romans. Ce n'est plus un sujet d'experts. Aussi nous plonge-t-elle aujourd'hui, et selon sa formule, dans des histoires de droit, avec la question des traités de guerre, qui avaient réglé les allées et venues des œuvres d'art autour de 1800, avant d'aborder le traité de Paris en 1814 et l'acte final du congrès de Vienne en juin 1815, avec la chute définitive de Napoléon. Ces deux derniers traités règlent-ils pour autant le sort des œuvres d'art considérées par certains comme volées par les troupes françaises, quand d'autres évoquent les contributions au butin de guerre ? Comment seules les œuvres d'art prises en Italie du Nord et à Rome ont-elles fait l'objet de traités, s'interroge Bénédicte Savoie. Quels sont les arguments juridiques des opposants aux restitutions, ceux que l'on appelle les légalistes, face aux partisans des restitutions, les moralistes? Bénédicte Savoie ouvre également aujourd'hui la question complexe de l'origine juridique des œuvres après deux décennies de saisies révolutionnaires et impériales. Alors est-ce que les objets d'art peuvent être soumis de la même manière que d'autres propriétés à des cadres juridiques? Et peut-on transformer ces cadres juridiques si on considère qu'ils ne sont plus conformes à la morale d'une époque? Nous gagnons le Collège de France le 15 mars 2019 pour le cours de Bénédicte Savoie, aujourd'hui droit et morale. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bienvenue à cette quatrième séance de notre cours intitulé cette année 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Quatrième cours qui s'intitule aujourd'hui « Droit et morale » et qui va nous plonger dans des questions juridiques. Lors du dernier cours, qui s'intitulait « À chacun son universel », nous avons posé la question du terme même de musée universel. Nous avons constaté que c'était plutôt une invention du début du XXIe siècle, de notre siècle, mais que ça ne voulait pas dire qu'autour de 1800, le terme d'universalité n'avait pas été utilisé. Nous avions constaté que se posait la question, notamment chez ce lieutenant britannique, s'il fallait désormais en Europe réunir les plus belles peintures dans une seule galerie ou les redistribuer selon leur origine et leur destination, avec la question donc du lieu du musée. Oui à l'idée de grand musée, mais non à l'idée d'un seul musée central à Paris. J'ajoute à ce résumé une source qui va faire le pont avec ce dont nous allons parler aujourd'hui, une source tirée d'un opuscule très important sur lequel nous allons rester un petit moment aujourd'hui, qui s'intitule « Les observations d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'œuvre du Muséum de Paris » en réponse à la lettre du duc de Wellington au Lord Castlereagh sous la date du 25 septembre 1815, est publié le 18 octobre dans le journal des débats et puis republié sous forme de petite brochure par monsieur Hippolyte trois petites étoiles. Donc c'est un ouvrage anonyme, l'auteur s'appelle Hippolyte Mazier du Haume, il est pratiquement inconnu. Donc c'est presque un anonyme, mais c'est un texte extrêmement intéressant, y compris parce que c'est un texte qui vient du bas, ou en tout cas d'une personnalité non exposée, vous le verrez. Et celui-ci écrit donc dans cet opuscule, je me permets de lire l'ensemble de la citation qui est très intéressante. « Mais quelle perte pour les arts !» au moment du démembrement du musée Napoléon. « Réunis sur un même point dans le palais le plus magnifique de l'univers, le Louvre, ses tableaux, ses vases, ses statues, ses bas-reliefs offraient l'assemblage unique des talents de tous les âges et de tous les peuples polissés. Facilement et sans frais, toutes les nations voisines pouvaient admirer et étudier ces chefs-d'œuvre immortels. » puisque la France se trouve, par son heureuse position, presque placée au centre de l'Europe. Épars et désunis, disséminés dans les différentes monarchies, produiront-ils le même effet, les mêmes avantages, lorsqu'ils ne pourront plus subir l'épreuve de la comparaison ? Séparés peut-être du continent par la mer, il agite ici la crainte que les Anglais s'approprient tout ça, séparés peut-être du continent par la mer, transportés au milieu des brouillards éternels de l'Angleterre, dans une atmosphère toujours humide, et toujours nébuleuses, se conserveront-ils sans altération, comme sous le ciel pur de notre belle France ? Pourront-ils, hélas, servir de modèle, lorsque pour les consulter, il faudra traverser l'océan et braver les tempêtes ? On voit ici, alors vraiment, on est au cœur d'une discussion ici exagérée, hein, pratiquement caricaturale, vous avez ri, c'est très bon signe. On voit combien cet universalisme à la française est aussi un universalisme très égocentré et qui ne se rend pratiquement pas compte, pour exagérer un peu, de son ridicule. En tout cas, cette question du lieu de l'universalisme et du retour des œuvres va occuper considérablement les esprits. Et nous allons rester en compagnie de cet Hippolyte. Aujourd'hui, vous verrez qu'il a d'autres idées intéressantes sur la question et des formulations qui nous permettent de comprendre, parce qu'elles sont un petit peu exagérées, de bien saisir ces événements qui ont 200 ans d'âge, ces discours, mais qui nous sont en fait très familiers. Et quand on les trouve sous cette forme un petit peu surlignée, comme ça, c'est extrêmement pratique pour comprendre les enjeux. Quatrième cours donc, droit et morale, avec les questions juridiques liées à notre sujet des restitutions. Donc, dernière séance parisienne et juridique. Je m'appuie pour cette séance, en plus des ouvrages que j'ai déjà nommés, sur un article extrêmement intéressant et plus généralement sur les travaux de Xavier Perrault, qui est professeur d'histoire du droit et des institutions à l'Université de Limoges, et en particulier sur cet article-ci qui s'intitule « La restitution des œuvres d'art en 1815, vue par la doctrine internationaliste du XIXe siècle, la victoire du moralisme sur le légalisme ». Vous verrez de quoi il est question, et plus généralement, je peux vous inviter à consulter la thèse de doctorat de Xavier Perrault, intitulée « La restitution internationale des biens culturels au XIXe et XXe siècle, espace d'origine, intégrité et droit », thèse publiée sur le site Archives ouvertes HAL, qui est accessible donc en ligne. Dans cet article sur le mouvement légaliste ou sur les discussions juridiques liées à la question des restitutions, Xavier Perrault constate dès l'introduction « L'histoire du mouvement international de restitution des œuvres d'art qui a eu lieu à partir de 1815 en France et certains États européens est aujourd'hui assez bien connue. Ce qui l'est peut-être moins, c'est le traitement qu'en fait la doctrine juridique internationaliste durant le dernier quart du XIXe siècle. Deux courants s'affrontent, celui des opposants aux restitutions, essentiellement légalistes, et celui des partisans des restitutions, davantage moralistes. Alors vous voyez que Xavier Perrault, ce qu'il fait, c'est qu'il va observer à la fin du XIXe siècle comment ce qui s'est passé au début du XIXe siècle continue d'occuper les juristes. Et à partir de ces réflexions, ce que j'ai fait moi, c'est que je suis retournée en arrière et j'ai regardé comment ce qui est discuté à la fin du XIXe siècle l'avait déjà été autour de 1800, et c'est le projet que nous avons donc aujourd'hui. Et pour commencer, comme toujours, je présente l'objet du jour qui est en fait deux objets qui étaient déjà en exergue de ce cours, c'est-à-dire le traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les traités et conventions signés dans la même ville le 20 novembre 1815. Donc un texte juridique, ce n'est pas exactement un objet, c'est un texte en fait, mais puisque je tente toujours dans ce cours de donner aussi une matérialité, y compris au texte qu'on utilise, je vous montre l'autre objet qui va nous accompagner, du moins au début, l'acte final du congrès de Vienne, qui dans toute sa matérialité nous montre l'importance de ce document pour la reconstruction de l'Europe, pour la reconfiguration, le nouveau départ de l'Europe, basé sur des projets nationaux à partir de 1815. Vous voyez donc un très grand document, un grand volume, richement relié, et puis sur la dernière page, les sceaux des différents signataires de cet acte. On lit ici, par exemple, quelque part, le baron de Humboldt pour la Prusse, Guillaume de Humboldt, dont il a déjà été question. Ce type d'objet est conservé dans les parties muséales des archives, y compris à Paris, aux archives du ministère des Affaires étrangères, mais aussi à Vienne, dans les archives de Prusse, etc. Chaque partie en a une. Alors, en prenant le traité de paix de mai 1814 et l'acte du traité de Vienne en 1815, vous vous souvenez de notre cadre chronologique, on est à la fin du premier moment, avant les 100 jours, enfin, on est dans le premier moment, avant les 100 jours, et dans le second moment de nos histoires de restitution, après les 100 jours. C'est le cadre juridique qui accompagne le double départ de Napoléon. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans le premier traité de 1814, c'est qu'il faut attendre l'article 31 sur 33 articles en tout pour trouver quelque chose qui ressemblerait à notre question. Je vous lis, article 31, les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant au pays cédé ou concernant leur administration seront fidèlement rendus en même temps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de 6 mois après la remise des pays mêmes. Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées. Il n'est pas question d'œuvres d'art, il n'est pas question de bibliothèque, il est ici seulement question des archives, c'est extrêmement significatif. Le déplacement d'archives, l'appropriation d'archives par les puissances victorieuses ayant une longue tradition, y compris juridique, ce qui explique sa présence ici et sa présence exclusive. Il faut rappeler dans ce contexte, et je ne l'ai pas encore dit, le plus grand spécialiste de ces questions est mon collègue Yann Potin, qui travaille sur la question des archives. Et il faut rappeler qu'autour de 1800, parallèlement à tout le mouvement de appropriation des patrimoines artistiques de l'étranger, a lieu aussi une appropriation des archives, notamment des archives du Vatican, des archives de l'Empire des Habsbourg, de Vienne, des archives espagnoles. Yann Potin a consacré de nombreux travaux à cette question, ici par exemple en podcast que vous pouvez écouter sur Internet, les archives comme tribu impériale, confiscation et centralisation des archives européennes à Paris, 1807-1815. Donc Napoléon et ses archivistes avaient le projet de construire, d'élaborer un très grand palais des archives qui aurait été à peu près à l'emplacement de l'actuelle Tour Eiffel, où aurait été réunie toute la mémoire de l'Europe, avec des arrière-pensées, y compris financières, puisque quand on aurait eu besoin d'une copie d'un acte de propriété, c'était l'une des idées, outre le fait symbolique de réunir la mémoire de l'Europe, les pays qui auraient demandé des copies auraient dû payer une taxe pour avoir la copie, ce qui aurait été une source de revenus, mais ce projet le bâtiment n'a pas pu être édifié. Les archives sont arrivées et ont été classées en France. Je vous recommande l'écoute de cette conférence extrêmement intéressante. Donc, la question des archives est évoquée et traitée dans ce premier traité de Paris, mais c'est tout. On n'y voit pas évoquer les œuvres d'art, et pour cause, vous vous souviendrez qu'il y avait en 1814 cette clause secrète orale qui avait permis à certains États allemands notamment de récupérer certaines œuvres d'art, on avait dit à l'époque sous le radar, hein, sans que ni les populations ni les administrations ne s'en aperçoivent trop. C'était un accord conclu avec Louis XVIII et donc pas de traces ici dans ce traité. Si on regarde l'excellent article que Gilles Pécou avait consacré à ces questions des restitutions de 1814-1815 dans le non moins excellent volume d'actes de colloque consacré à Dominique Vivant-Denon et dirigé par Daniela Gallo en 99, si on regarde cet article-là, on constate, Gilles Pécou qui est historien, notamment de l'Italie et aussi de ces années 1800, il constate dans son article que dans l'environnement politique et diplomatique confus des années 1814-1815, force est de constater que les conquêtes artistiques de l'Empire ne constituent qu'un souci mineur pour la diplomatie et n'apparaissent dans aucun règlement international. Donc nous avons constaté que c'était pas un souci mineur pour les opinions publiques, cette question culturelle occupe beaucoup les esprits, mais si on la compare à la somme d'autres questions juridiques qui se posent, de délimitation territoriale, de richesse numéraire, de déplacement d'archives, ce sujet paraît mineur si on s'en tient aux actes juridiques. Il ajoute, si rien n'en est dit dans le premier traité de Paris, le Congrès de Vienne n'évoque jamais directement la question et on cherche en vain dans les 2800 télégrammes et courriers rassemblés par le commandant Veille en 1916-1917, quelque allusion au Louvre, à Denon ou aux conquêtes artistiques de guerre. Donc, non seulement en 1814, il n'en est pas question, mais dans les papiers du Congrès de Vienne, on ne trouve pas non plus de traces de nos questions d'œuvres d'art. Et il finit, tout aussi vaine se révèle la quête à la lecture de l'acte final du Congrès de Vienne qui résume les principaux débats. Et en effet, si on consulte l'acte du Congrès de Vienne tel qu'il a été publié dans son édition officielle que vous voyez ici, avec ses annexes, on ne trouve rien sur les œuvres d'art. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question juridique et où est-ce qu'elle a été fixée, où les choses ont-elles été discutées? C'est la question qui nous occupe et qui nous occupe d'abord du point de vue de ceux qui sont opposés aux restitutions et qui vont soumettre des arguments juridiques pour considérer que les reprises des alliés sont injustes et illégales. J'ai quand même tenté de trouver quelques illustrations pour reprendre souffle avant de se replonger dans certains textes. Vous voyez dans cette autre caricature de mai 1814 de Cruikshank, dont nous avons déjà fait connaissance la dernière fois, une représentation donc caricaturale du Louvre, sur le perron duquel se trouve Louis XVIII, le roi qui vient d'être restauré, en pleine discussion avec Talleyrand, et il lui dit « Cher Tally, s'il te plaît, convainc ceux-là de nous laisser quelques petites choses qui pourront faire plaisir à ma chambre. » Et puis Talleyrand répond « J'ai vraiment tout essayé, mais il n'y a rien à faire, on n'arrive rien à retenir. » On voit ici Denon avec un bras cassé, comme s'il était lui-même une statue antique, qui dit « ne partez pas, restez ici, on veut bien vous garder, on est trop triste d'avoir été forcé à vous rendre ». Et puis l'événement majeur, visuel majeur sur cette caricature, c'est le départ du char d'Apollon et des Muses qui sont en train de quitter Paris, avec celle-ci surmontée de Cupidon, celle-ci avec ses attributs de peinture. Hercule les suit derrière, donc des figures antiques mais qui sont personnalisées, vivantes, qui partent de leur propre gré. De même, souvenez-vous qu'on avait entendu dire en 1794 que Rubens, Krayer, etc. volaient en masse ou arrivaient en masse pour enrichir les musées. Ici, les œuvres partent en masse. Ici, Blücher surmonte les chevaux qui pourraient être les chevaux de Saint-Marc, tandis que Wellington, le vainqueur de Waterloo, surmonte un lion qui pourrait être aussi le lion de Saint-Marc à Venise. Et il indique, on va y revenir tout de suite à son collègue, « Allez, dépêchons-nous de repartir sur la queue du tigre », il est écrit Saint-Marc. Alors ce qui m'intéresse le plus ici, pour nous, pour la préoccupation que nous avons, c'est ces chariots qui quittent aussi Paris et qui sont marqués du nom des pays, Hollande, Italie, je ne vois pas Venise, Berlin, et puis ici, derrière l'arbre, Vienne, d'une part, et d'autre part, cette indication donc, de Wellington devant, qui dit à son comparse Blücher derrière lui, « Viens Blücher, dépêchons-nous de rapporter ces œuvres volées, stolen goods, donc des œuvres volées, c'est le terme utilisé ici, et par ailleurs, nous avons derrière un général ou un officier qui déclare « Every man his own », c'est-à-dire à chacun ce qui lui appartient, à chacun sa propriété, ce qui lui appartient, « own » étant ce qui vous est propre. Je y reviendrai tout à l'heure. En fait, dans cette caricature est fixée donc aussi une question juridique, en quelque sorte. Ces œuvres sont considérées comme volées, donc elles n'ont pas fait l'objet de traités, il n'y a pas eu de régularité de leur départ, comme nous le dit ici Wellington, et d'autre part, est posée la question de la propriété ou de la possession, le lien entre possession et propriété étant quelque chose de juridiquement important. Alors, en français, c'est difficile de faire la différence parce que les termes sont très proches. C'est plus facile en allemand. La possession, ce qu'on dit en allemand « Besitz », c'est ce sur quoi on est assis, « cession », « Besitz », on est assis sur quelque chose. Et la propriété, en allemand « Eigentum » ou « Ownership » en anglais, c'est ce qui vous est propre. C'est-à-dire que dans les manuels juridiques, si vous vous faites voler votre vélo, l'autre va être en possession de votre vélo, mais vous en restez le propriétaire. En français, je conçois que c'est un petit peu difficile. En allemand, ça marche très bien. L'autre est dans le « Besitz », il est assis sur votre vélo, et vous continuez de l'avoir dans votre cœur, ce vélo, et continuez à vous être propre. Et ces questions-là sont des questions juridiques, en fait, qui vont être traitées ici et qui nous intéressent considérablement. Alors, quel est en fait le cadre qui règle les spoliations ou les translocations d'œuvres d'art autour de 1800? Si on regarde dans les traités des droits des gens, ce qu'on appelle le droit des gens, qui maintenant s'appelle les droits de l'homme, et qui sont en fait les prémices du droit de la guerre ou du droit international, si on regarde dans les traités des droits des gens de l'époque, et notamment celui de ce Johann Ludwig Klüber, qui est ici francisé en Jean-Louis Klüber, un ouvrage écrit en français, mais publié à Stuttgart en 1819, c'est-à-dire exactement dans la période qui nous intéresse, Klüber étant l'un des pères des droits de l'homme modernes, tels qu'on les considère aujourd'hui. Quand on regarde dans ces ouvrages, on voit d'abord qu'on revient en permanence le terme de « moderne ». Alors, moderne, ça veut dire qu'à ce moment-là, autour de 1800, la question de est-ce qu'on est une civilisation ou un peuple ou un État archaïque ou moderne, outre le fait que c'est une catégorie, mais est extrêmement importante. Est-ce qu'on est déjà dans l'avenir, on est moderne, ou est-ce qu'on est encore dans un mode ancien ? Il nous informe, au paragraphe 253, qui s'intitule « Butin », il nous explique comment peuvent être faits des butins en temps de guerre. Et c'est là qu'on va constater que le butin est autorisé en temps de guerre. Le butin peut être pris comme butin, prédat, sur les armées, les vaisseaux de guerre et les armateurs ennemis, de force ouverte ou cachée, tout ce qu'ils possèdent de biens mobiliers. Et il ajoute en point B, aujourd'hui, à l'heure actuelle, 1819 donc, aujourd'hui les monuments publics, les objets littéraires et des beaux-arts, le mobilier dans les châteaux, édifices et jardins appartenant au souverain ou à sa famille, ainsi que les choses servant au culte, sont ordinairement ni détruits ni maltraités. Donc, il y a le droit de prise de guerre, de butin, mais il constate qu'aujourd'hui, dans nos années, début du XIXe siècle, en général, ces choses de l'art et de la culture sont protégées et ne sont pas détruites, pas maltraitées. Et il n'évoque pas la question du transfert dans le corps du texte, il l'évoque ici en note, note C, en 1815, c'est-à-dire à son époque, il écrit ce texte quelques mois plus tard, en 1815, les objets de cette espèce, enlevés par les armées françaises, furent rendus à leurs anciens propriétaires. Donc, il constate que ça ne se fait plus, et quand on le fait quand même, comme a pu le faire Napoléon, on rend ces objets, ils ne restent pas aux mains du vainqueur. C'est extrêmement important, c'est le cadre. Donc, les prises de guerre sont autorisées, sont possibles, mais ça ne se fait plus. On reviendra tout à l'heure sur cette question. Ça n'empêche pas les Français au moment des restitutions, et pas seulement les Français d'ailleurs, l'opinion européenne au moment des restitutions de 1814 et 1815, d'argumenter en termes juridiques pour empêcher le départ de Paris de ce qui avait été accumulé à ce moment-là par les armées révolutionnaires et impériales. Donc je reviens sur notre texte d'Hippolyte Mazier Duhaume. Son texte, dont j'ai lu le titre tout à l'heure, « Observation d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'œuvre, etc. », est une réponse à la lettre du duc de Wellington au Lord Castlereagh sous la date du 23 septembre 1815 et publiée le 18 octobre dans le journal des débats. On est dans un contexte donc d'un auteur français qui répond à un dialogue entre l'ambassadeur d'Angleterre en France, Castlereagh, qui venait d'écrire en septembre, le 11 septembre lui-même, une lettre, une note adressée à Wellington, donc au vainqueur, à un militaire, pour lui dire ce qu'il pensait qu'il fallait faire des chefs-d'œuvre français. Il faut bien comprendre ce triangle. Castlereagh écrit un texte extrêmement important sur lequel on reviendra tout à l'heure à Wellington. Wellington dont nous avons fait connaissance sous forme de médaille dès notre premier cours, Wellington, le vainqueur de Napoléon à Waterloo et qui est à la tête des troupes d'occupation à Paris, reçoit une lettre, donc une sorte de conseil de la part de Castelrague, et il va y répondre, faire une réponse qui elle-même fait l'objet d'une réponse de notre Hippolyte. Et dans cette réponse bien connue de Wellington, il est dit, c'est une phrase très souvent citée, qui remplace en fait des stipulations juridiques dans les traités. La seule marque qui autorise la restitution, c'est ce passage-là en fait, puisqu'on n'en trouve pas la trace comme on l'a vu dans les traités. Il écrit dans ce texte de septembre 1815 « Les mêmes sentiments qui font désirer au peuple français de garder les tableaux et les statues des autres nations doivent faire désirer aux autres nations, maintenant que la victoire est de leur côté, de voir restituer ces objets à leurs légitimes propriétaires. Il est, de plus, à désirer, pour le bonheur de la France et pour celui du monde, qu'on lui fasse sentir que, quelque grand qu'aient pu être ses avantages partiels et temporaires sur une ou plusieurs des puissances de l'Europe, le jour de la restitution doit arriver à la fin. » C'est ce texte qui a scandalisé certains légalistes, ceux qui étaient contre le départ des œuvres, et c'est pourquoi notre Hippolyte va répondre à ce texte de Castelrague, qui est la deuxième étape dans un dialogue. Alors, que nous dit Hippolyte Mazier-Duhaume et comment argumente-t-il ? On se plonge un petit peu dans ce texte que vous pouvez consulter sur le merveilleux site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, la plus belle invention de la fin du XXe siècle. Préface. Si cet écrit peut avoir quelques mérites, c'est celui de renfermer des vérités importantes et malheureusement trop méconnues. Et ces vérités importantes, on va le voir, portent sur les catégories de justice, de droit, de possession légale et de restitution légitime, c'est-à-dire que notre auteur se place d'emblée sur le terrain du droit. Il ajoute « On pourra se convaincre que le Muséum de France ne fut point, comme on l'a dit et dernièrement imprimé, le bien d'autrui. » Et c'est ce que disait Wellington. Le produit du brigandage, mais une partie ou l'équivalent de contributions exigées à la paix et consenties par les puissances avec lesquelles la nation était en guerre. Donc des contributions consenties, c'est-à-dire des objets cédés dans le cadre d'arrangements militaires, d'amnistie ou de traités. C'est ce qu'il veut nous dire. Il continue « Nous prétendons seulement que le droit de la guerre, droit terrible, il est vrai, doit au moins nécessairement légitimer ce qui est conquis par des conventions et des traités, que, dans tous les âges et presque dans toutes les guerres, des contributions ont été exigées et qu'elles ont toujours été payées soit en or, soit en argent, pierreries, meubles précieux, statues et tableaux, suivant le goût et le degré de civilisation des nations victorieuses. » Donc le projet indiqué dans cette préface d'Hippolyte Mazier-Duhaume, c'est de montrer que d'abord, le droit de butin a toujours été un droit militaire, qu'il a été scellé par des traités, que ces traités sont la preuve du consentement pour la cession des prises, d'une part, et d'autre part, ce qui est intéressant dans ce petit extrait, c'est qu'il nous dit que ces contributions de guerre peuvent être exigées en or, en argent, etc., statues et tableaux, c'est-à-dire soit en numéraire, soit en œuvre d'art, en bien culturel, selon le goût et le degré de civilisation des nations victorieuses. Ce qui est sous-entendu là, c'est une discussion qui avait été menée dans les années qui précèdent, c'est que la France, étant à un si haut degré de civilisation, s'approprie spécialement et avec beaucoup de goût des œuvres d'art. Alors qu'en fait, elle pourrait aussi prendre ce qu'elle fait d'ailleurs, simplement de l'argent, etc. Non, le fait de s'approprier des œuvres d'art serait le témoignage de sa supériorité culturelle, en quelque sorte, ou en tout cas de son grand degré de civilisation. Alors, il a raison, Mazier-Duhaume, mais je l'évoquais tout à l'heure, les prises de biens culturels, y compris de biens culturels dans des contextes guerriers, ont existé en Europe, et depuis l'Antiquité, vous le savez, mais elles s'étaient arrêtées en Europe avec la guerre de 30 ans, qui court de 1618 à 1648, donc au milieu du XVIIe siècle, avec comme héroïne de ces grands déplacements et de ces grandes appropriations d'œuvres d'art qui étaient allées notamment de l'Europe centrale, de Prague, et puis des régions qui sont aujourd'hui le long de l'Adriatique, enfin voilà, mais surtout de Prague vers Stockholm, c'est ici, vous la reconnaissez, la reine Christine de Suède. Donc, jusque autour de 1640 à peu près, les guerres sont accompagnées de déplacements d'œuvres d'art, de déplacements de patrimoine. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les premiers textes juridiques sur le droit de prise, comme celui du bien célèbre de Grotius, sont publiés dans ces années-là. Vous voyez ici 1631, ce texte qui a été republié par la suite sous le titre en français « Le droit de prise ». Le droit de prise qui explique dans quelles conditions les butins peuvent être faits en temps de guerre. Donc, en effet, ce phénomène a existé, mais ce que Mazier-Duhaume néglige d'ajouter ici, c'est que depuis cette guerre de 30 ans, ça ne s'était plus fait. Parce qu'entre le XVIIe siècle et la fin du XVIIIe, interviennent les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, qui est un moment qui induit une sorte de consensus entre les États d'Europe qu'on ne se prend pas, on ne touche pas aux œuvres d'art des autres. Donc ça s'était arrêté, en quelque sorte, et avec la Révolution française, la France, puis Napoléon, remettent à l'ordre du jour une pratique qui avait été considérée comme ne plus correspondre au degré d'évolution, de civilisation des puissances européennes. Il passe là-dessus et nous dit donc qu'il y a toujours eu des spoliations. Le Muséum de Paris fut le fruit de la victoire, d'échanges légitimes, de trésors prodigués, de compensations pacifiques et de possessions nationales, concédées par des traités, conservées par des capitulations, il devait être nécessairement la propriété la plus inviolable. Donc toute sa démarche consiste à prouver que juridiquement, on n'avait pas le droit en 1815, les alliés n'avaient pas le droit de toucher le Louvre. Pour appuyer sa thèse, selon laquelle tout ça était légitimement arrivé à Paris, il va faire une sorte de typologie des modes d'appropriation et il les décrit. Je vous épargne la lecture complète. Il nous explique que « on », c'est-à-dire les puissances italiennes, là, Milan, Florence, Turin, ont cédé des œuvres pour embellir le musée de la métropole et qu'en échange, Paris a envoyé des œuvres dans les musées de Milan, Florence, Turin, etc. Ce qui est vrai, simplement, ce n'est pas le même type d'œuvres qui circulent. Il est difficile de comparer des tableaux du Corrège de Raphaël, etc., qui arrivent en France, en échange, par exemple, de tableaux de l'école moderne française qui sont envoyés en échange. En tout cas, le motif de l'échange lui paraît assez fort pour considérer que les œuvres arrivées dans ces conditions doivent rester à Paris. Non seulement le musée de Paris s'était formé par des échanges, mais encore par des acquisitions à prix d'argent. De ce nombre sont les statues de la Villa Borghese, qui ne peuvent être disputées à la France puisqu'elles ont été payées au poids de l'or, puisqu'on ne revient point sur un marché conclu et sur lequel on a touché. Et en effet, ces acquisitions-là vont demeurer en France. Le gladiateur Borghese et l'Hadès Borghese, par exemple, pour ne citer qu'eux, sont toujours au Louvre aujourd'hui. Ces acquisitions avaient été menées en 1807-1808, lorsque la famille Borghese s'était trouvée dans de grandes difficultés financières, de par l'occupation de l'Italie. Une autre partie du muséum avait été assurée à la nation, et c'était sans doute la plus intéressante, et on est là au cœur de son propos, par des armistices suivis de traités contractés avec les souverains d'Italie. Donc des armistices et des traités. Et puis il se met sur plusieurs pages à citer les armistices et les traités dont il est question, et notamment, je cite, pour en avoir cité un autre armistice du vin floréal en 4, entre la République française et le duc de Parme et de Plaisance, contenait cette disposition de points citation, qu'il serait aussi remis 20 tableaux au choix du général en chef, c'est-à-dire Bonaparte, parmi ceux existant dans le duché. Cet article fut consolidé par l'article 5 du traité de paix entre la République et le même souverain, etc. Donc, il retourne sur ces traités d'armistice ou de paix et retrouve la trace de cession qu'il considère donc, puisque ça a été cédé par un traité, comme la propriété de la France. D'ailleurs, il considère que tout le monde était d'accord avec ces cessions, même le pape. On reviendra tout à l'heure sur le traité de Tolentino qui a obligé le pape à céder ses œuvres. Et il nous décrit, ça c'était une formule et une anecdote qu'on retrouve vraiment très souvent dans ces questions de spoliation, il nous décrit combien le pape en fait est d'accord avec la situation et puisque tout ça est légal, n'y voit pas d'inconvénient. Et il finit sur cette conclusion. Donc, les objets d'art cédés par les armistices et traités de Parme, de Modène, de Paris, de Bologne et de Tolentino devaient appartenir et demeurer à la France. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, sa série 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, aujourd'hui, droit et morale. C'est le point de vue d'un interlocuteur ou de quelqu'un qui se consacre à ces questions juridiques autour de 1815, au moment même des départs des œuvres, des reprises. Et quand on suit l'histoire, l'historiographie, l'histoire du droit au XIXe siècle sur ces questions, jusqu'à la fin du XIXe siècle, comme l'a fait Xavier Perrault, et à vrai dire jusqu'à aujourd'hui, si on tire encore cette histoire, cet argument selon lequel on ne peut pas défaire un traité et que ces traités ont été défaits par la force et sans être appuyé par des traités, ni le traité de Paris, ni l'ordre concret de Vienne. Cet avis, on le retrouve donc à la fin du XIXe siècle, notamment sous la plume de Paul Pradier Faudéré, qui est l'un des grands juristes de droit international, dans son traité de droit international public européen et américain. Il a d'ailleurs, Pradier, cofondé une faculté à Lima, avant sa mort en 1904. Donc ce Pradier Faudéré, à la fin du XIXe siècle, reprend, appuie, alimente cette idée légaliste selon laquelle les traités devaient garantir le maintien des œuvres à Paris. Il écrit, à la fin, donc dans le dernier quart du XIXe siècle, « Si les alliés voulaient dépouiller la France, ils devaient y procéder diplomatiquement par la voie des traités. » Or, vous vous souvenez, on a bien vu que ces traités ne font pas mention des œuvres d'art. Donc là, il y aurait eu vice de forme, en tout cas, une sorte de vice de forme juridique. Pour enlever à cette puissance, la France, les œuvres d'art, les livres, les manuscrits qu'elle avait acquis en vertu de conventions, des conventions nouvelles, étaient nécessaires afin d'annuler le droit que les premières avaient fait naître. Donc, dit-il, il aurait fallu pour annuler les traités cités précédemment avec l'Italie, c'est les seuls traités qui existent, on y reviendra dans un instant, il fallait faire des contre-traités en quelque sorte. Et parce que ces contre-traités n'ont pas été établis en 1814 et 1815, il considère qu'il y a eu donc vice, et cette considération va nous poursuivre pendant toutes les guerres, notamment entre la France et l'Allemagne, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet qui remonte tout le temps. Du côté français. Quant aux objets que les armées françaises avaient pris, donc il fait une distinction entre ce qui avait été acquis en vertu des conventions, c'est-à-dire par le droit de guerre, et ce qui avait été pris, c'est-à-dire les simples butins, les prises de guerre qui n'avaient pas été scellées par des traités. Quant aux objets que les armées françaises avaient pris, une convention, un traité, était non moins indispensable pour déterminer les objets à restituer et pour donner à cette revanche de la force la consécration du droit conventionnel. Donc il constate qu'il n'y a pas eu acte de droit et donc que la reprise par les Alliés en 1815 est illégale, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. La question qui est liée à tout ce qui nous occupe depuis tout à l'heure est donc bien celle, non pas de l'origine territoriale ou géographique des œuvres. Vous vous souvenez, sur la première caricature de Cruikshank, on voyait les chariots retournés vers l'Italie, la Hollande, Venise, Berlin, Vienne, c'est-à-dire... C'est leur lieu d'origine, leur territoire d'origine. La question qui se pose ici n'est pas celle de leur lieu d'origine, de leur contexte d'origine, mais celle de leur origine juridique. Ont-ils été pris dans le cadre de guerres qui ont donné lieu à des armistices et des traités, ou pas ? Et cette question est extrêmement intéressante, puisque, en effet, si on regarde la chronologie des saisies avant les restitutions, on voit qu'il y a un grand nombre, une grande multiplicité d'origines juridiques des prises. Les questions que ça soulève, c'est celle non seulement donc des titres juridiques de l'appropriation, est-ce qu'il y a eu traité, est-ce qu'il y a eu convention, est-ce qu'il y a eu quelque chose pour dire qu'on s'appropriait ses œuvres, mais aussi, qui est liée à cette question, celle du consentement ou d'un éventuel vice de consentement au moment de la prise, est-ce que ceux qui ont été dépouillés de leur collection étaient d'accord et l'auraient signé, contresigné ou pas. Et troisièmement, question un peu adjacente, quels sont les titres de propriété à l'origine ? Qui a été privé de sa propriété ? Est-ce que ce sont des congrégations religieuses ? Est-ce que c'est une ville ? Est-ce que, donc une municipalité ? Est-ce que c'est un souverain ? Ces questions-là vont jouer un rôle considérable après. Alors donc, ce n'est pas le lieu d'origine, mais c'est bien la question du titre juridique qui se pose ici. Car quand on est confronté en 1815 au démantèlement du Louvre, cette année 1815, au moment du règlement des saisies, est une année qui doit prendre en compte presque une vingtaine ou deux décennies de convois de saisie qui se sont toutes, entre 1794 et 1813, produites dans des circonstances juridiques différentes. C'est ça que j'appelle la provenance ou l'origine juridique des œuvres. Alors, pour expliciter un tout petit peu mon propos, et sans revenir sur l'histoire des saisies en général, dont j'avais traité dans mon cours précédent l'année dernière, je vous redonne quelques exemples pour vous montrer la complexité de la provenance juridique des pièces lors des deux décennies de saisies révolutionnaires et impériales. Tout ça commence, comme vous le savez, après la bataille de Fleurus en 1794, lorsque les armées françaises peuvent passer outre les frontières jusqu'alors dessinées de la France et, par le biais de commissions, s'approprier un certain nombre d'objets, donc dans des pays, dans des régions conquises. Ce type d'objets, ce sont soit comme cette descente de croix, la partie centrale du triptyque de Rubens pris dans la cathédrale Notre-Dame d'Anvers en Belgique, donc soit des œuvres prises dans des contextes religieux, dans des églises qui passent à Paris, soit des pièces architecturales également saisies dans des églises, comme les colonnes, les fameuses colonnes saisies dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, saisies, c'est-à-dire décellées et transportées à Paris en 1794. Donc on peut dire que c'est un patrimoine architectural dont le propriétaire est l'église ici, d'Aix-la-Chapelle, ou alors un grand nombre de dessins et d'imprimés saisis dans des collections des jésuites. Alors les jésuites avaient été interdits autour de 1770 et leur collection était devenue, dans les régions rhénanes, des collections publiques. Ici on voit quelques dessins pris dans les collections des ex-jésuites, comme on les appelle à l'époque, de Cologne. Donc ce sont des collections qui ont été en quelque sorte récupérées par les municipalités, mais qui avaient eu auparavant une histoire religieuse ou qui avaient été formées par des religieux. Des pièces, y compris des animaux vivants, tirées de collections comme celle du Statuder des Pays-Bas, c'est-à-dire du gouverneur des Pays-Bas, donc cet éléphant, et d'autres pièces tirées de ces collections qui appartiennent à des souverains. Dans le contexte italien, c'est-à-dire au moment de la campagne d'Italie de 1796 à 1798, les œuvres qui arrivent, et celles que je vous montre sont simplement des représentantes, mais il faut considérer que nous sommes face à des dizaines et dans le contexte allemand face à des centaines d'œuvres qui circulent. Elles sont tirées comme, par exemple, Saint-Jérôme du Corrège, de l'Académie des Beaux-Arts de Parme, du duc de Parme, donc une propriété ducale, où elle était arrivée au milieu du XVIIIe siècle, avait quitté son église pour aller à l'Académie, et de l'Académie, elle est transférée à Paris. On a des pièces qui arrivent directement d'église, comme cette Sainte-Cécile de Raphaël qui vient de San Giovanni di Monte à Bologne, qui est transféré à Paris. On a des pièces issues des collections publiques, du musée public du Vatican, donc qui sont à propriété du pape à Rome, comme ce groupe du Laocoon, qui depuis la Renaissance faisait partie des collections pontificales. On a, comme la Transfiguration de Raphaël, des pièces saisies dans des églises de Rome, mais qui n'appartenaient pas au pape, qui appartenaient aux différentes églises, comme cette Transfiguration prise à San Pietro in Montorio, à Rome. Donc une multiplicité de titres de propriété initiale ou même des pièces comme les chevaux de Venise qui étaient donc montés sur la cathédrale de la place Saint-Marc qui sont, on pourrait dire, des pièces qui appartiennent au capital urbain de la ville, qui appartiennent à la municipalité, qui font partie du décor. Et en fonction des différents types de propriété initiale, on peut considérer qu'il y a différents types d'identification des populations à ces patrimoines, selon qu'ils sont visibles ou invisibles, selon qu'ils étaient dans des églises fréquentées ou dans des collections privées, etc. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre ensuite les débats ou pour comprendre les différents degrés de joie ou d'accueil des œuvres quand elles reviennent. Celles qui n'avaient jamais été bien vues avant ne font pas le même effet que celles qui, par exemple, comme les chevaux de Saint-Marc, avaient toujours été visible ou le quadrige de la porte de Berlin, visible dans la ville et qui faisait partie du patrimoine urbain. Autre configuration, lorsque la France annexe la rive gauche du Rhin et que ces départements ici, qui étaient autrefois des départements soit allemands, soit qui feront ensuite partie de la Belgique, deviennent des départements français, là, les saisies ont lieu sous une autre forme juridique puisque des manuscrits, notamment qui se trouvaient dans des monastères sécularisés, donc puisque avec l'arrivée de la France, les monastères sont supprimés, et ces manuscrits sont les plus précieux d'entre eux, sont centralisés à Paris, comme ils pourraient être centralisés aussi depuis la Bretagne, le sud de la France, etc. On considère ces départements comme des départements normaux, entre guillemets, français. Et là, on a donc évidemment pas de traité pour marquer ces déplacements, mais une logique nationale à cause de cette occupation et de la transformation de ces régions en corps français, en fait, en département français. En 1800-1801, les prises qui sont opérées en Allemagne du Sud concernent les collections du souverain de Bavière, comme cette bataille d'Alexandre d'Altorfer, transférée de Munich à Paris en 1801, donc collection du souverain, collection publique à Munich, qui était publique à l'époque. En 1806-1808, l'Allemagne du Nord est touchée, et ce qui est touché, c'est à la fois, comme à l'exemple de cette allégorie de la victoire par Rubens venue de la galerie de Kassel, donc viennent soit de musées déjà existants qui appartiennent au Landgrave de Hesse-Kassel, mais qui sont une propriété souveraine mais publique, c'est-à-dire à laquelle le public avait accès depuis longtemps en Europe, ou alors quand ça vient de l'extrême est, ici de Danzig, il peut s'agir de pièces tirées d'églises, comme ce tableau de Memling, représentant le jugement dernier, ou encore des pièces tirées de la collection du roi de Prusse. Berlin n'avait pas de musée public, c'est-à-dire tirées directement des châteaux du roi de Prusse, avec un autre type de publicité d'une part et de propriété d'autre part. On peut ajouter, venant de Vienne, les collections de peintures de la galerie de l'Empire d'Autriche, qui est aussi une galerie publique, mais qui appartient à l'Autriche. En Espagne, ce sont des familles qui sont contraintes de céder leurs tableaux en 1808. Et puis, en 1813, Dominique Vivant-Denon va faire un tour d'Italie pour trouver dans des églises encore quelques œuvres de ce qu'il qualifie de primitif, ou qu'on qualifiait à l'époque de primitif, c'est-à-dire les premiers exemples de la peinture, comme ce Saint-François recevant les stigmates de Giotto, qui est pris dans l'église San Francesco de Pise, dans la chapelle Ughi, et qui se trouve aujourd'hui au Louvre. Donc des provenances juridiques extrêmement différentes, et dans tout ça, seules les saisies qui ont été pratiquées au nord de l'Italie, et qu'a évoqué notre ami Hippolyte Mazier-Duhaume tout à l'heure, ont fait l'objet de traités. Et le plus important de ces traités, c'est le traité de Tolentino, signé avec le pape en 1797. Vous voyez ici une représentation, une gravure qui représente la signature de ce traité. Traité dont vous voyez ici, en mauvaise résolution, le manuscrit et le texte du traité de Tolentino, qui marque la fin provisoire des campagnes françaises en Italie. Le général en chef Bonaparte, commandant l'armée d'Italie, et le citoyen Cacco, agent de la République française en Italie, chargé des pouvoirs du directoire exécutif, son éminence, etc., sont convenus de ce qui suit. Article 1, il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le pape Pie VI. Et article 13, vers la fin du traité, l'article 8 du traité d'amnistie signé à Bologne concernant les manuscrits et objets d'art aura son exécution entière et la plus prompte possible. C'est-à-dire que le traité de Tolentino ne nomme pas spécialement des œuvres d'art, mais ils disent qu'il y avait ce sur quoi on s'était mis d'accord quelques mois plus tôt à Bologne, dans l'armistice de Bologne, il faut maintenant l'appliquer. Donc il faut revenir en arrière pour trouver cet armistice de Bologne de juin 1796, où en effet l'article 8 stipule que le pape livrera à la République française sans tableaux, bustes, vases ou statues, au choix des commissaires qui seront envoyés à Rome, parmi lesquels ces objets seront notamment compris le buste en bronze de Junius Brutus et celui en marbre de Marcus Brutus, tous les deux placés au Capitole, et 500 manuscrits au choix des 10 commissaires. C'est ça la clause qui va empêcher, dans un premier temps, Canova, en 1814 et 1815, de récupérer ses œuvres. Et c'est là-dessus que vont s'échauffer les juristes en 1815, ou ceux qui argumentent en termes juridiques, les légalistes, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le transport en France des objets d'art cédés par le traité de Tolentino a fait l'objet de nombreuses publications. Et vous voyez qu'ici, on parle d'objets d'art cédés, du point de vue français. Ce ne sont pas des objets conquis à Tolentino, ils sont cédés, et on a ici l'idée de cession et donc de consentement de la dernière partie. Je vous propose de regarder quels sont les arguments des partisans des restitutions, les arguments juridiques, et comment, de leur côté, ils argumentent. Alors, le principal texte qui nous intéresse ici, c'est cette fameuse lettre de Castelrague à Wellington de septembre 1815, qui a été publiée à de nombreuses reprises à l'époque et puis republiée par la suite. Vous pouvez la consulter également en ligne, notamment dans ses actes relatifs à la restitution des monuments de l'art en France, publiée de manière bilingue. Et ce qui nous intéresse, c'est la note remise le 11 septembre 1815 par le vicomte Castelrague au ministre des puissances alliées et portée sur leur protocole. C'est donc une lettre, une note, dans laquelle ce diplomate va donner ses arguments pour considérer que malgré les traités, malgré l'existence de traités, il faut que la France restitue les œuvres qu'elle avait prises. Je feuillette jusqu'à la fin directement pour arriver à la conclusion, qui est la suivante. Le principe de la propriété réglée sur les droits des territoires d'où ces chefs-d'œuvre ont été enlevés est le plus sûr et le guide seul vers la justice. Et il n'est rien peut-être qui pût contribuer davantage à tranquilliser l'esprit public d'Europe aujourd'hui qu'un tel hommage rendu par le roi de France à un principe de vertu, de conciliation et de paix. On voit bien qu'il n'est pas question de traité. Son discours se place sur un autre plan. Il ne se pose pas sur le plan juridique du droit de la guerre, mais celui du droit international, du droit des hommes, en quelque sorte, donc sur un plan moral. Il considère que ce qui compte, ce ne sont pas les traités, mais le principe de la propriété réglé sur les droits des territoires d'où les chefs-d'œuvre ont été pris. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est l'origine, non pas juridique au sens du mode d'acquisition, mais le titre de propriété qui lie à la question des territoires. D'où viennent les œuvres, c'est ça qui compte. Et il considère que c'est seulement en considérant ces pièces selon leur origine qu'on peut arriver à un équilibre de justice, d'une part, et d'apaisement des esprits en Europe, d'autre part, avec ces arguments très forts, des principes de vertu, de conciliation et de paix. Alors là, évidemment, on a sauté une quinzaine de pages qui nous permettent d'arriver à cette conclusion. Je vous montre quelques extraits, trois extraits intéressants de ce texte, qui mènent le lecteur sur plusieurs pistes qu'on ne peut pas approfondir malheureusement aujourd'hui, mais qui nous montrent combien cette discussion sur les droits de l'homme liés au droit à la culture sont liés dès ces années 1815. En appliquant un remède à ce mal provoquant, il ne paroît pas qu'on puisse prendre aucun parti mitoyen qui n'aille pas jusqu'à reconnaître une multitude de spoliations sous le couvert des traités, plus choquantes s'il est possible, par leur caractère que les actes de rapine manifeste par lesquels ces restes ont été en général rassemblés. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il considère que les traités sont presque plus choquants que les spoliations pure et dure, en quelque sorte, puisqu'il y a un scandale à vouloir à forcer un État vaincu à céder des œuvres d'art, une pratique qui avait été arrêtée depuis plusieurs centaines d'années. Autre passage, ces dépouilles, c'est-à-dire les œuvres d'art réunies à Paris, ces dépouilles qui empêchent une réconciliation morale entre la France et les pays qu'elle a envahis, ne sont pas nécessaires pour rappeler les exploits de ses armées, lesquelles, malgré la cause dans laquelle ils ont été accomplis, doivent à jamais faire respecter les armes de la nation au dehors. Mais tant que ces objets resteront dans Paris, constituant pour ainsi dire les actes et titres des pays qui ont été abandonnés, les idées de réunir encore ces pays à la France ne seront jamais entièrement éteintes. L'idée ici, c'est que si on laisse ces œuvres d'art des pays anciennement soumis, si on les laisse à Paris, les autres ne pourront pas se réconcilier avec la France parce que ces objets seront en fait comme des messagers d'un État qui doit faire désirer à la France, dit-il, d'un jour reprendre aussi les pays. Donc quand on garde leurs œuvres, ça veut dire qu'en quelque sorte, on n'a pas perdu l'espoir de garder les États qui vont avec, ici l'argument de Castelrague. Et le génie du peuple François ne s'associera jamais complètement à l'existence plus limitée qui est assignée à la nation sous les Bourbons. C'est-à-dire qu'il faut lui enlever les œuvres d'art à la France, pour qu'elle comprenne qu'elle est réduite maintenant. Alors que si on lui laisse les œuvres d'art, elle va continuer de penser que toute l'Europe lui appartient. Pour faire ce saut jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour voir comment ce type d'argument-là, ce type d'argument donc moraux sur la justice, l'équité, ont été développés. Ils ont été développés en particulier par les juristes qui s'occupent de droit international, les internationalistes, comme on dit, des droits de l'homme, notamment Carlos Calvo, qui était un des théoriciens des droits de l'homme et du patrimoine culturel à la fin du XIXe siècle, qui notent avec d'autres, et j'ai pris un résumé de leur position dans l'article de Xavier Perrault que j'ai cité au début. Il écrit, c'est sur ce fondement, sur ce type de fondement, tel que ceux qu'on vient de présenter, que Carlos Calvo, Travers Twiss, ou encore Jean-Gaspard Blunschli et Achille Morin approuvent les restitutions de 1815. Ainsi, si Blunschli veut bien convenir du fait qu'après les 100 jours, le changement de propriété n'a pas été sanctionné par les traités, il considère toutefois comme un progrès humanitaire la décision, peut-être égoïste, prise en 1815 par les Alliés, d'obliger le gouvernement français à restituer ses chefs-d'œuvre aux divers pays qui les avaient produits. Donc ici, la restitution, même si elle n'est pas fixée par un traité, et même si elle va contre des traités préexistants, est considérée, tout au long du XIXe siècle, et dans une ligne qui va continuer jusqu'à l'heure actuelle, comme un progrès humanitaire. C'est-à-dire de ne pas regarder quel a été le cadre juridique, quelles ont été les lois qui ont permis ces déplacements, mais que le progrès humanitaire, c'est de restituer. Dans le même sens, Calvo, je poursuis la citation, voit dans les restitutions une mesure d'équité. Donc, on voit bien, suivi en cela par Travers Twiss, etc. Et puis l'article que je vous recommande de lire continue en expliquant comment tout cela va jusqu'à la Convention de La Haye et les conventions de protection du patrimoine du XXe siècle. Ce sont les prémices ici, et on voit que ces prémices remontent à l'épisode de 1815. Voilà. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, aujourd'hui, droit et morale. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre Objet du désir, désir d'objet. Elle a également publié Patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2003. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre exploration du moment 1815 en Europe. Bénédicte Savoie s'interrogera à qui peut-on rendre les œuvres d'art qui ont été prises. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.